Là c'est le G, RK Kobalade. Moi d'avion j'parle après. Numéro 1 d'entrée, saute pas où t'as papier. Direction ton nez, elle partait cellophanée. J'finis condamné, Pouquet j'te monte en l'air. Et d'un coup j'alterne, on est ganté. On fait du rap et des affaires à côté. J'ai raté le train, j'reviens sur un refrain. J'ai fermé le terrain juste avant les condés. Salut mon vieux, tu me reconnais. J'visère, j'vais en été, j'passe mes soirées à rencontrer. Et la putain de ta mère, on l'a fait en indé. J'perds un kilo d'herbe, sa mère on le récupère. On est ensemble les riches, j'perds du bif, j'reprends en showcase. On est vrai de vrai, parce que son cache une deuxième. Tellement insolent, sourire aux lèvres, pour les quilles t'as fait. Chargé dur, on est gros chargé dur. Fallait le dire, si t'as peur fallait le dire. Chargé dur, on est gros chargé dur. J'm'en bats les couilles, j'fous le baisse tout. Ça tous tes potes, faut leur dire. La moula, de la moula, de la moula, de la moula. Faut que le commerce tourne comme un moulin. Faut que tu sois malin, c'est ta l'occasion mêlée. Avant de poissonner, pèse les lames, y'a rien que le nez. L'audit 4 anneaux. Maintenant c'est mal, pas trop, c'est mal aîné. Je vois le niveau et j'accueille les livres. Compte dans le RS, toi tout noir, toi ouvre. Quand je m'arrête au feu rouge, je ramène une clope, j'ouvre la fenêtre. Je me rabatte au volant. J'ai bossé, j'ai rien volé. Et numéro uno, c'est ce que Dieu a voulu. 10 millions de vues sur ma chaîne et je suis toujours dans le bat. La plupart de mes ennemis savent bien où j'habite. Là où je cache. Et pour pas changer, faut des dents 54 des Kerka pour frérot GLK. On vous offre des petits pas. Chargé dur, on est gros chargé dur. Fallait le dire, si t'as peur fallait le dire. Chargé dur, on est gros chargé dur. J'm'en bats les couilles, j'fous baisse tout. Ça tous tes potes faut leur dire. J'suis personne, moi, je rentabilise chaque mois. Le flingue dans l'armoire, vais donc aller pour le parloir. Même si t'es armé, wacken, fais de la deux. T'inquiète pas, y'a les outils et dans la part. Y'a environ 10 000 hommes tués. Et les salopes tirent, on est dans la tue. Entends-tu, et nous quand ça tire. C'est pas que sur YouTube, dis-moi tu, moi tu vu. Zénith, plus de garde à vue. J'suis avec patron du four, toi t'as mon âge, t'es à l'affût. Moula, moula, moula, moula, bah. Désire ta tête, tu ne me verras pas. Plus de mi-père, je m'arrête pas. Ce que tu suces, c'est ce qu'on bat. Je veux ma part, pile à l'heure, il t'a barbé. Oh là là, rafale-le, et bah.